Conte de fées en français. Le cheval et l'âne. Il était une fois, dans une vieille cabane au bord de la rivière, vivait un teinturier avec son cheval et son âne. Oh, quelle longue journée! Je suis si fatigué! De quoi es-tu fatigué? C'est bien moi qui porte tout sur mon dos. Toi, tu ne portes que le maître. Allez, arrête un peu de grogner et va te coucher. Bonne nuit! Mais l'âne disait vrai. Tous les matins, le teinturier allait chercher dans les villages alentours des tas de vêtements à nettoyer qu'il rapportait pour laver. Comme il partait loin, il faisait le chemin sur son cheval, tandis que l'âne portait toute la charge des vêtements à laver. Le pauvre âne avait vraiment une vie très dure. Monsieur, du linge aujourd'hui? Oh, tu tombes bien. Mon frère est arrivé hier avec sa femme et ses enfants. Il y a vraiment beaucoup de linge à laver. Pas de problème, monsieur. J'aurai tout lavé d'ici demain. Merci. Madame, du linge aujourd'hui? Henri, mes petits-enfants sont là pour toutes les vacances. Ils jouent toute la journée et ils salissent tous leurs vêtements. Je dois te le dire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de linge à laver. Pas de problème, madame. Je vous assure que tout sera propre d'ici demain. Madame, du linge aujourd'hui? J'ai fait du ménage hier et mes rideaux auraient bien besoin d'être lavés. Tu peux le faire pour demain, s'il te plaît? Pas de problème, madame. J'aurai tout lavé d'ici demain. Et ainsi, le teinturier continua d'aller de porte en porte, ramassant le linge du jour à nettoyer. On aurait dit que tout le monde avait des invités ou une fête ou du ménage à faire. Il chargea le tout sur le pauvre petit âne. Oh, le chargement est bien trop lourd aujourd'hui. Je ne sais pas comment équilibrer tout ça sur le dos du pauvre animal. Je vais devoir marcher à côté et surveiller tout ça. Il ne faudrait pas qu'on en perde en chemin. Alors, au lieu de monter sur son cheval, le teinturier marcha avec l'âne. Le pauvre âne avait du mal à avancer. Sa charge était si lourde qu'il avait peur de tomber. Il commença à faire très chaud et le teinturier fatigua. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud! Marcher comme ça, c'est épuisant. Et en plus, un jour comme aujourd'hui, où on a tellement de travail, mais il faut absolument qu'on se repose un peu. Cheval! Oui, quoi? S'il te plaît, aujourd'hui, mon chargement est si lourd que j'ai l'impression que je vais me casser le dos. S'il te plaît, aide-moi à le porter. Surtout qu'aujourd'hui, le maître ne te monte pas. Alors tu pourrais prendre une partie de mon chargement, n'est-ce pas? Certainement pas. Mon travail, c'est de porter le maître. Et ton travail, c'est de porter le chargement. C'est pas plus difficile que ça. Mon pauvre ami, je suis désolé, mon pote. Je n'aurais pas dû te charger autant. Pourquoi n'en ai-je pas mis un peu sur le cheval aussi? Je suis vraiment désolé. Désolé, mais je suis sûr que tu comprends qu'on doit laisser l'âne se reposer aujourd'hui. C'est ce que je mérite, mon ami. Si je n'avais pas été égoïste tout à l'heure, on aurait pu partager le chargement et je n'aurais dû emporter que la moitié. Mais j'ai été méchant et ça me sert bien de leçon d'avoir à tout porter tout seul maintenant. Donc, vous voyez, c'est toujours mieux de partager les charges avec les autres. C'est-à-dire qu'il faut aider ses amis et travailler ensemble. De cette façon, personne n'est surchargé et le travail peut se faire de manière rapide, sympa et dans la bonne humeur. L'âne paresseux. Il était une fois un marchand qui vivait dans un petit village. Il vendait plein de produits au marché pour gagner de l'argent. Le marchand avait un âne. Il avait l'habitude de charger des sacs de marchandises sur le dos de l'âne pour les apporter jusqu'au marché et les vendre. Le marchand prenait vraiment bien soin de son âne. Il savait que l'âne était important pour son affaire. L'âne était propre et en bonne santé. On lui donnait bien à manger. Il était jeune et vigoureux. Il pouvait porter sur son dos le poids de beaucoup de sacs à la fois et aller jusqu'au marché. Mais il était aussi très fainéant. L'âne n'aimait pas du tout travailler. Il voulait juste s'asseoir un moment, manger et dormir. Ah, encore au marché. Le maître devrait prendre un jour de congé. J'adore les vacances. Ah, peut-être qu'il n'a pas besoin de se reposer, mais moi, oui. Mais l'âne ne comprenait pas que le marchand ne puisse pas prendre de vacances. Or, si le marchand ne va pas au marché, il ne peut plus gagner d'argent. Et alors, il n'y aura plus de nourriture, même pour l'âne. En fonction de la demande sur le marchand vendait différentes choses chaque jour. Des légumineuses, des céréales, des légumes, des épices et même des fruits. Il faisait marcher son âne tous les jours depuis le village. Chaque jour, pour atteindre le marché, ensemble, ils devaient traverser une rivière. Le marchand faisait tout spécialement attention à son âne pendant cette traversée. Un jour, un ami dit au marchand qu'il y avait une forte demande de sel au marché. Ah ah ! Merci du tuyau, mon ami ! Je vais alors bientôt me mettre à vendre du sel. Rapidement, le marchand prépara 12 sacs de sel pour le vendre. Il prit d'abord 6 sacs et les chargea sur le dos de l'âne. Il réalisa alors que les sacs étaient vraiment très lourds. L'âne ne pouvait pas marcher. Oh, le pauvre animal! Ça doit être vraiment trop lourd pour lui. Je vais retirer un sac. Ça devrait aller. Ne voulant pas blesser l'âne, le marchand retira un sac de son dos. Et pourtant, l'âne ne pouvait toujours pas marcher. Le marchand se souciait de son âne, mais il savait aussi qu'il était assez fainéant. Il sortit un bâton et le poussa d'un petit coup. Oh, allez! Ne sois pas si fainéant, veux-tu? Tu t'es assez reposé. Nous devons aller au marché. Ce jour-là, le marchand vendit tous ses sacs de sel au marché. Hé! Mon ami avait raison! La demande en sel est vraiment en hausse maintenant! Alors, le marchand se mit à vendre du sel tous les jours. Il remplissait des sacs et des sacs de sel et les chargeait sur le dos de l'âne. Parfois, l'âne devait porter 5 ou même 6 sacs au marché. Bien que pas content, l'âne était pourtant toujours soulagé en rentrant à la maison. En effet, comme le marchand vendait tous ses sacs de sel, il n'avait plus rien à porter sur le chemin du retour. Quelques jours passèrent. Et un jour, le marchand chargea 6 sacs de sel et partit pour le marché. Comme ils atteignaient la rivière, le marchand remarqua que l'eau montait un peu haut. Marchons très prudemment aujourd'hui. Je ne voudrais pas glisser et tomber dans cette eau agitée. Alors qu'ils avaient traversé la moitié de la rivière, soudain l'âne glissa sur une grosse pierre et tomba dans un bruit sourd. Oh non! Oh! Le marchand parvint à tirer l'âne et à lui faire traverser la rivière. L'âne était effrayé et choqué. Et alors, il sentit quelque chose. Denshu, les sacs sont toujours sur mon dos. Alors pourquoi mon dos semble si léger? Oh, cette rivière doit avoir des pouvoirs magiques. Denshu, Denshu! Ce que l'âne ne savait pas, c'est que la rivière n'avait pas de pouvoir magique. Quand il est tombé, l'eau de la rivière a dissous tout le sel contenu dans les sacs. C'est la raison pour laquelle l'âne ne sentait rien sur son dos. Il n'y avait plus du tout de sel dans les sacs maintenant. Oh! Tous mes efforts sont fichus! Qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Grâce au ciel, mon âne n'est pas blessé. Cela ne sert à rien d'aller au marché maintenant. Autant rentrer à la maison. Comment? Pas de charge sur le dos, ça veut dire pas de travail? Ça, c'est vraiment de la magie! Denshu! Denshu! Ayant ainsi raccourci sa journée, l'âne en profita à sa guise. Il mangea et dormit toute la journée. Qu'il était heureux! Le jour suivant, le marchand chargea de nouveau 6 sacs sur le dos de l'âne et alla avec lui au marché. Ouh, hier c'était si agréable. Aujourd'hui, je dois encore retourner travailler. Attendez, mais je peux éviter le travail. Je peux alléger le fardeau sur mon dos et rentrer à la maison. Exactement comme hier. La rivière a des pouvoirs magiques. Je suis sûr qu'elle va m'aider à nouveau. N'ayant pas idée des intentions de l'âne, le marchand se mit en route pour le marché. Alors qu'ils atteignaient la rivière, l'âne prit la tête de la marche. Et avant que le marchand ne puisse l'arrêter, l'âne s'affala au même endroit que là où il était tombé. Oh! Que fais-tu, espèce d'idiot? Lève-toi! Mais il était déjà trop tard. Le sel que l'âne portait s'était dissous dans l'eau une nouvelle fois. Il n'y avait plus de fardeau. L'âne était à présent heureux. Voilà! Pas de fardeau, pas de travail! Comment cela est-il arrivé? Attendez une minute. Est-ce que cet âne s'est assis dans l'eau exprès? Oh, mais quel animal feignant! Je prends grand soin de lui. Et voilà comment il me remercie! Je vais le ramener à la maison. Je sais quoi faire maintenant. L'âne pensait avoir trouvé le moyen parfait pour ne pas avoir à travailler. Mais le marchand avait d'autres plans pour lui. Le lendemain matin, le marchand chargea 8 sacs sur le dos de l'âne. Et l'âne ne s'en plaignit même pas. Hein? 8 sacs? Mais pourquoi est-ce que je ne sens pas le poids du fardeau? Hein? Pourquoi m'en soucier après tout? Laissons le maître mettre sur mon dos autant de sacs qu'il veut. De toute façon, je ne vais pas au marché. Denshu! Le marchand marcha avec l'âne en silence vers la rivière. Ah, voilà mon tour de magie. Alors qu'il traversait la rivière, l'âne glissa encore au même endroit et s'assit dans l'eau. Mais aujourd'hui, le marchand n'aida pas l'âne à se relever. Et comme l'âne tentait de se lever, soudain... Oh non! Mon dos! Que se passe-t-il? Pourquoi mon dos pèse-t-il si lourd? Denshu! Le marchand était un homme intelligent. Il savait que l'âne essaierait encore de lui jouer le même tour. Alors cette fois, au lieu de charger du sel sur le dos de l'âne, il chargea du coton. Dès que l'âne s'assit dans l'eau, le coton a absorbé l'eau et il est devenu bien plus lourd. Tu pensais que tu pourrais m'avoir? Maintenant, à toi d'aller jusqu'au marché et de revenir à la maison avec ces 8 sacs. Oh non! Denshu! C'est tellement lourd! Mon dos! L'âne réalisa alors que la rivière n'avait rien de magique tout compte fait. Il porta les 8 lourds sacs de coton jusqu'au marché et rentra enfin à la maison. Depuis ce jour, l'âne n'osa jamais plus s'asseoir dans les eaux de la rivière.